Ésaïe chapitre 33. Malheur à toi qui fourrage, et qui n'a point été fourragé, et à toi qui agis avec perfidie, et envers qui on n'a point usé de perfidie. Sitôt que tu auras achevé de fourrager, tu seras fourragé, et sitôt que tu auras achevé d'agir avec perfidie, on te traitera avec perfidie. Éternel, aie pitié de nous, nous nous sommes attendus à toi. Sois leur bras dès le matin, et notre délivrance au temps de la détresse. Les peuples se sont écartés à cause du son bruyant, les nations se sont dispersées à cause que tu t'es élevé. Et votre butin sera ramassé, comme l'on ramasse les vermisseaux, on sautera sur lui comme sautèlent les sauterelles. L'Éternel s'en va être exalté, car il habite en un lieu haut élevé, il remplira Sion de jugement et de justice. Et la certitude de ta durée, et la force de tes délivrances, sera la sagesse et la science, la crainte de l'Éternel sera son trésor. Voici, leur héros crie dehors, et les messagers de paix pleurent amèrement. Les chemins ont été réduits en désolation, les passants ne passent plus par les sentiers, il a rompu l'alliance, il a rejeté les villes, il ne fait pas même cas des hommes. On mène deuil, la terre languit, le Liban est sec et coupé, Saron est devenu comme une lande, et Bazan et Carmel ont été ébranlés. Maintenant je me lèverai, dira l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous concevrez de la balle, et vous enfanterez du chaume, votre souffle vous dévorera comme le feu. Et les peuples seront comme des fourneaux de chaux, ils seront brûlés au feu comme des épines coupées. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes prêts, connaissez ma force. Les pécheurs seront effrayés dans Sion, et le tremblement saisira les hypocrites, tellement qu'ils diront, qui est-ce d'entre nous qui pourra séjourner avec le feu dévorant? Qui est-ce d'entre nous qui pourra séjourner avec les ardeurs éternelles? Celui qui observe la justice, et qui profère des choses droites, celui qui rejette le gain des honnêtes extorsions, et qui secoue ses mains pour ne prendre point de présent, celui qui bouche ses oreilles pour n'ouïr point le sang, et qui ferme ses yeux pour ne voir point le mal. Celui-là habitera en des lieux haut élevés, des forteresses assises sur des rochers seront sa haute retraite, son pain lui sera donné, et ses eaux ne lui manqueront point. Tes yeux contempleront le roi en sa beauté, et ils regarderont la terre éloignée. Ton cœur méditera-t-il la frayeur, en disant, où est le secrétaire? Où est celui qui pèse? Où est celui qui tient le compte des tours? Tu ne verras point le peuple fier, peuple de langage inconnu, qu'on n'entend point, et de langue bégayante, qu'on ne comprend point. Regarde Sion, la ville de nos fêtes solennelles, que tes yeux voient Jérusalem, séjour tranquille, tabernacle qui ne sera point transporté, et dont les pieux ne seront jamais ôtés, ni aucun de ses cordeaux ne sera rompu. Car c'est là vraiment que l'Éternel nous est magnifique, c'est le lieu des fleuves et des rivières très larges, dans lequel n'ira point de navire à rame, et où aucun gros navire ne passera. Parce que l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui vous sauvera. Tes cordages sont lâchés, et ainsi ils ne tiendront point ferme leurs mâts, et on n'étendra point la voile, alors la dépouille d'un grand butin sera partagée, les boiteux même pilleront le butin. Et celui qui fera sa demeure dans la maison, ne dira point, je suis malade. Le peuple qui habitera en elle, sera déchargé d'iniquité.